premières émissions où c'était tendu. C'était toujours avec beaucoup de cœur que je faisais ces émissions, mais avec toujours le stress du direct, le stress de bien faire. Et bon, il y a eu des émissions bonnes, des émissions moins bonnes, des émissions excellentes, mais toujours des émissions avec l'envie de bien faire, l'envie de partager de la bonne musique, comme toi, tu as cette chose qui t'anime de faire comme il faut. Mais avec le recul, tu sais que voilà, la 200e, t'es meilleur qu'à la première. Il y a des chances, ouais. En tous les cas, merci pour toute ta programmation. Et puis, je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs le savent, mais c'est que du vinyle, toute ta programmation, c'est en direct, est une collection invraisemblable de vinyle reggae. Bah, j'essaie de le rappeler. Après, c'est pas parce que c'est du vinyle que c'est mieux, mais en tout cas moi c'est mon délire de tout faire en vinyle, tout faire en live, en direct, rien enregistré, rien de rediffusé. Et en fait, quand tu creuses dans le vinyle reggae, tu t'aperçois qu'ils ont beaucoup fait de reprises, les Jamaïcains. C'est des malins, les Jamaïcains. Ouais. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait un truc qui marchait ailleurs, ils ont essayé de le refaire en reggae. Et voilà. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans cette culture jamaïcaine, c'est toutes les reprises qu'il y a eu, toutes les interprétations, toutes les réappropriations de choses. Et en fait, quand tu discutes, quand tu écoutes aussi des choses comme toi, ce que tu proposes dans La Nuit des Temps, tu fais « Ah mais... Ah ouais, en fait, les Jamaïcains n'ont pas inventé ça, ils l'ont repris. Ah d'accord, ok, voilà. Et moi, c'est aussi ça que j'aime bien dans la musique jamaïcaine, mais ce qui m'a permis de m'ouvrir à plein d'autres musiques. Parce que t'écoutes plein de choses. Oui, j'écoute plein de choses. Et j'écoute aussi La Nuit des Temps quand je rentre chez moi après mon émission. Ben ouais. C'est sympa. Mais si, quand je rentre chez moi, j'écoute La Nuit des Temps, je me dis ah, ok. Bon, il y a la Jamaïque, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Bah ouais. Eh bien écoute, on se donne rendez-vous en 2024. Moi, je vais faire un petit break avec les fêtes de fin d'année. Puis on va fêter, on va repartir 2024. On a bien besoin en ce moment de retrouver un peu la patate, vu le contexte. Donc, écoute, merci. Ben avec plaisir. Je te donne rendez-vous en 2024, peut-être avec une émission en commun. Ah, écoute, il faut qu'on se la fasse. Ça fait un moment, on a une idée. On va la faire. Allez, viens. On se le fait. Allez, ça marche. Allez, merci. Bonne émission, Dominique. Salut, merci. À plus. Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la Nuit des Temps, un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la Nuit des Temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la Nuit des Temps. On n'en finit pas de redécouvrir les sons du début des années 2000. certains perdurent plus que d'autres, comme les bidouillages du duo Ratatata. Mike Stroud et Evan Mast vivent à Brooklyn. Ils se sont séparés en 2015 après avoir incarné une vague électro ouverte, généreuse et sautillante pour échouer sur les plages du rock. Un aller définitivement sans retour. Alors restons dans la bulle 2008. On ouvre grand les portes de notre bon vieux club ce soir avec Tonton Camille à la programmation. Et autant le dire tout net, Ratatat, c'est notre powerplay de la semaine. B77, c'est le nom d'un vieux magnéto à grosse bande de la célèbre marque Revox. C'était un standard utilisé dans les radios avec lequel on pouvait enregistrer des heures de playlist et même les passer un peu plus lentement pour gagner encore du temps de diffusion sans s'y coller manuellement. Le Revox a fait le bonheur des programmations de nuit et des auditeurs qui souhaitaient écouter de la musique non-stop avec un léger souffle pour emballer les sons. Ça, c'était avant le streaming et visiblement deux zozos de Fribourg, et ça c'est en Suisse, deux zozos de Fribourg sont restés nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Voici B77, The Dark Side, et nous sommes en 2020. Yeah.

La nuit des temps, l'international de la danse. Boyfriend n'est pas qu'un titre d'Étienne Dao, c'est aussi une production des Australiens Confidence Man. Just a It's a simple fact. Of what I had before, here's just a. Alright, okay, get down. D'abord, existe-t-elle vraiment ? Sève d'Aliza brouille les pistes avec son trip-hop, comme tout droit sorti des années 90. Soul Thinkable. Et on reste en 2018. Thank you.

La nuit des temps, l'international de la danse. I bongo with my lingo and beat it like a wing, yo. To combo, to Colombo, can't stereotype my ping, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my bing, yo. Quit bending all my bingo, quit beating me like your wingo. You wanna go, you wanna win the war. Like PLO, I don't surrender. Ces modèles sont David Byrne, Prince, Arthur Russell ou encore Aphex Twin. Sam Dust multiplie les identités et les AK pour enchaîner plein de projets différents. Ici, c'est une étape dans sa production, L.A. Priest. Et nous sommes en 2015, au Pays de Galles, en Angleterre. Thank you. soir de Radio Duo. Leia est composée de Marco Klebauer et Sophie Lidenge. Ils ont signé chez Las Vegas Records. Et après un second album plutôt bien troussé, ils produisent quelques EP et semblent aujourd'hui un tout petit peu sous les radars. Et bien ce soir, on replonge en 2018 avec un extrait de cet album qui s'appelle Sona. C'est chaud, mais on file se rouler dans la glace. C'est ça l'Autriche. C'est Leia. Et ses petites flûtes qui volaient dans les airs de Saint-Étienne. Dan Archive. Nous sommes en 2018. Sometimes I think that if I was light skin, then I would get into other parties. When all the Grammys make the boys happy, fuck looking sassy, think I'm sexy. Fuck all of that shit, give me some ass, cause it'll be fatter than the whole planet. You think I'm playing, but I'm just saying, if you were hard, I won't get no dollar. Look what you started, dreams getting farther. Tell y'all about this girl, Sudan. She had a great big heart and a real big smile. Mama knocked on the door, go right at the tat. She said, my boyfriend think you can be a star. So we set her up in a pop duo with her twin sister, Catherine Parks. And it really didn't even work out like that. Got kicked out cause she laid on her back. Well, that's how it seemed to her mommy and daddy. Crying on a boyfriend, they would never understand me when all she wanna do is watch Sailor Moon. Smoke weed and stare up at the moon. Doesn't mean I cannot have it. I just wanna see us lavish. Bunch of niggas in some mansions. I ain't living with some ratchet. All my exes got the maddest. They missed out on my magic. Once I started wearing lashes, I flew away, it's a habit. Cause niggas out here showing rations. Taken without ever asking. All you focus on is fashion. I wanna know how it functions. Miss me with all that fuck shit. Where the psychedelic drugs at? Always trying to do some fun shit. You know I make nothing to something. She's a hoe, that's assumptions. I just wanna have my titties out. Titties out, titties out. I just wanna have my titties out. Titties out. La nuit des temps, Radio Duo. Il y a Bambi avec son petit copain, le lapin, Pampan. Il y a aussi Peter Pan, qu'on nous reconnaît facilement. Mais connaissez-vous la grande et belle histoire de Peter Pampan ? Nous sommes en 2021. Souvenir. counting the glorified souvenir of you across this unknown town. He brings back nothing and goes hiding in the audience. So ashamed to join me on the ring, and I still make two. I still make two. La nuit des temps, l'international de la danse. Mais oui, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club avant les fêtes de fin d'année, avec ce soir sur le tapis rouge un léger revival vers les années 2010. Et on a accueilli Ratatat en power play cette semaine, et dont on a un peu perdu la trace ces dernières années dans un Brooklyn resté aussi populaire que le quartier de la Bastille à Paris. C'est dire si le prix du mètre carré est devenu explosif. Peut-être que le duo n'avait plus de quoi se payer un petit appart là-bas, on sait pas. On a également accueilli les B77, à qui il ne manque qu'un set pour sonner définitivement Boeing. Et Stevie Wonder aussi, avec ses synthétiseurs précurseurs. Chinatown Slalom, dont l'un des musiciens a déclaré « La musique n'est pas la carrière la plus sûre financièrement ». Eh ben là, on veut bien le croire. Notre homme de confiance, avec Confidence Man également ce soir. Sef Dalisa et sa soul inclassable. Les Beatles, toujours et éternellement chaud dans notre cœur. On a également accueilli Mia et toutes ses rythmiques. Hayley Priest, à ne pas confondre avec Saint Priest. Fucking Osk et ses bidouillages. Leia était également parmi nous. Pour ses jamais, plus jamais, never. Sudden Archives. Peter Pampan, dont le nom pourrait parfaitement coller un titre de film érotique. Et toute cette programmation était réalisée avec doigté par Tonton Camille. Et cette programmation ne serait pas complète sans ces bonus qui, ce soir, pourraient dessiner une forme d'apogée lorsqu'au petit matin, une fois les danseurs partis du club, on rallume les néons, on passe un coup de balai et on se pose quelques minutes dans un canapé pour souffler avant de fermer les portes. La nuit est passée, le soleil va bientôt se lever. On joue un ou deux titres dans le club juste pour nous, rien que pour nous, avant que la vie du jour ne se réveille. Et ce soir, ce sera le Velvet Underground avec Nico pour le merveilleux I'll Be Your Mirror. Et puis, comme on imagine que c'est le petit matin, le sublime Morning Glory de papa de Jeff Buckley, Tim Buckley. Et Tim Buckley qui va nous saluer une dernière fois, non seulement ce soir, mais aussi pour finir cette année 2023 avec un tout petit peu d'avance. On se retrouvera dans 2 semaines, histoire de débuter 2024 avec l'International dans la danse, dont on a tant besoin aujourd'hui. Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio Duo. On lève les yeux vers les étoiles qui illuminent le ciel de Saint-Étienne. Passez de bonnes fêtes. Buona notte. Salut.

I used to know. She'd tease me about my name. Fan the embers long enough, I sometimes catch her flame. The soothing voice of distance tells me that was just a fling. Other music fills my ears, but I still hear her sing. She sings, Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. As a boy, I used to be. I guess that he was cold. If she came to buy him now, how cheaply he'd be sold. But the light is gone and it is dark. What used to be the sky is suddenly embarrassing to the naked eye. Joe, see Patty Joe, come face this memory. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Patty Joe, see Patty Joe, come face this memory. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one stupid night, we let the stars go. We love.